Chapitre deuxième. C'est égal, se dit Guérac. La glace est rompue, nous ne sommes plus indifférents l'un pour l'autre. Et il se précipita sur la piste du quadragénaire effaré. Ce dernier fuyait un bride abattu. Il gagna le palais royal, longea deux galeries, avisa la porte vitrée d'un restaurant, tourna le bec de canne et entra. Raoul ne s'était pas laissé distancer d'une semelle. Une table était vacante à côté de celle de sa victime, il s'y installa. L'homme obèse le toisa un instant de la tête aux pieds, puis il haussa les épaules et son masque redevint inerte et flegmatique. « Attends, attends !» grommela Raoul. « Je te forcerai bien à t'occuper de moi, mon gaillard !» Cependant, les garçons s'empressaient autour du gros homme et le débarrassaient à qui mieux mieux de son pardessus et de son parapluie. Évidemment, c'était un client généreux et vénéré. Quand il eut daigné s'asseoir, on vint recueillir les ordres de Guérac. « Vous me servirez le même dîner qu'à monsieur, » répondit-il à haute et intelligible voix. « Monsieur devant être incessamment mon meilleur ami, il est bon que je m'initie à ses goûts. » Les assistants s'entre regardèrent. Quant au personnage désigné, il ne s'émut cette fois en aucune façon. L'on eût juré qu'il n'avait pas entendu. « Monsieur consommera-t-il aussi les mêmes vins que monsieur Gibson ?» demanda gravement le sommelier à Guérac. « Les mêmes, oui, » riposta Raoul. « C'est une gageure, » chuchotèrent les garçons. « Il paraît, » murmura Guérac, « que mon futur ami se nomme Gibson, et qu'il se désaltère à plusieurs vins. Soit, je lui tiendrai tête, ça le flattera. » Il déplia sa serviette et se penchant vers l'étranger. « Convenez, monsieur, » lui dit-il d'un ton conciliateur, « que mes manières d'agir vous paraissent singulièrement originales. » L'homme au bouton d'or garda le silence et opéra sur sa chaise un quart de conversion. Raoul rapprocha la sienne. « Vous me tenez rigueur, » reprit-il en riant, « et je l'ai bien mérité, mais de grâce. Permettez-moi de vous déduire les motifs de ma conduite. » Autant eût valu parler à une souche. M. Gibson, les mains croisées sur son abdomen, tournait ses pouces en comptant les moulures du plafond. « Apprenez donc, monsieur, » continua Guérac, « que vous êtes ma dernière espérance en ce monde. Si cette espérance m'échappe, je n'aurai plus qu'à mourir. » Il avait calculé que cette phrase dramatique arracherait à M. Gibson un geste de compassion ou de curiosité. Erreur, M. Gibson se moucha sans sourciller dans son foulard multicolore. Raoul se décourageait difficilement, car il était de Bordeaux. Il se rapprocha encore et commença en ces termes. « Voici le fait. Jusqu'à l'âge de 25 ans, je fus monsieur le plus heureux des hommes. La nature m'ayant doué d'un excellent tailleur, d'un caractère jovial, et d'une de ces belles têtes brunes et pâles qui forcent les femmes à se retourner quand elles les rencontrent, je m'étais habitué à considérer l'existence comme une filature d'or et de soie. Cette illusion me fut ravie le 15 mai de la présente année, à 6h12 du soir. À cette date, je me promenais innocemment sous les ombrages du bois de Boulogne, lorsque tout à coup... Ici Raoul fut interrompu par l'apparition de 6 douzaines d'huîtres et d'un flacon de xérès. L'on en plaça autant devant M. Gibson. « 6 douzaines !» exclama Guérac. « Diable, ce début promet !» Voyant l'étranger se verser à boire, il l'imita et lui porta courtoisement un toast silencieux. Mais l'homme au favori ne rendit pas la politesse. Il se rua sur les huîtres avec un emportement vorace. « Allons !» conclut Raoul. « Ventre affamé n'a pas d'oreille. Attendons qu'il soit repu. » C'était s'engager à long terme. En effet, M. Gibson déploya dès lors un zèle, une application, une furie d'appétit qui n'admettait aucun entracte. Ce fut effrayant et splendide. Il ronflait, soufflait, reniflait, s'étranglait, s'empiffrait. À tout instant, l'on eût dit que ses joues allaient éclater, son couteau lançait des éclairs, son verre voyageait sans relâche, et le vacarme de ses mâchoires ne le cédait qu'au glouglou des liquides au fond de son gosier. Potage, poisson, rôti, gibier, volaille, légumes, entremets sucrés, pâtisseries, compotes, fromages et fruits défilèrent par montagnes et n'apaisèrent point sa fringale. Il engloutissait le tout en conscience, nettoyant les plats jusqu'aux tuffes et les assiettes jusqu'au vernis. « Quelle fourchette !» répétait par intervalles Guérac épouvanté. Ce festin pantagruélique exigeait un copieux arrosement. Aussi M. Gibson envoya-t-il 90 différents rejoindre sa défunte bouteille de xérès. Château Margaux, Chambertin, Château Lafitte et Champagne distillèrent successivement leur rubis et leur topaze entre les lèvres du vaillant convive, et chacun de ces crus glorieux alluma d'une teinte particulière la face de M. Gibson, qui passa du rose au rouge vif, du rouge à l'écarlate et de l'écarlate au violet. Raoul fut consterné. Il s'était imprudemment soumis au même menu, mais dès le second plat et la troisième bouteille, il lâcha prise et se contenta d'assister aux exploits de son concurrent. Celui-ci, au bout de 2 heures très laborieusement employées, se renversa enfin sur son siège et s'arma d'un cure-dent. Ses petits yeux bleu clair scintillaient comme des étoiles. Il en était à cette période pleine de charme où le boa constrictor se montre le plus accessible. Guérac jugea la minute favorable. « Je vous disais donc, monsieur, continua-t-il, qu'un jour, flânant au bord du lac, le cigare au vent, le stick sous le bras, l'esprit libre et la conscience pure, la fatalité me conduisit aux alentours d'une élégante personne qui remontait en calèche. 20 ans au plus, une main longue comme le doigt, un pied aussi mignon que la main, les yeux à damner sa torrigène, un ovale enfantin et pétillant de finesse, voilà ce que j'aperçus à travers un brouillard de mousseline et de dentelle. 5 minutes après, j'étais amoureux fou. » La chose, il faut le croire, fut assez indifférente à M. Gibson, car sans s'émouvoir autrement, il tira de sa poche un journal anglais. Son visage rutilant s'éclipsa derrière cette feuille qui affectait les dimensions d'un drap de lit. Raoul en fut quitte pour se rapprocher davantage et sa voix, élevée d'un demi-ton, perça le fragile rempart de papier. « Jusqu'à cette époque, monsieur, je n'avais sérieusement aimé que le vin du Rhin et la musique de Rossini. C'est pourquoi je n'appréciais pas, séance tenante, la gravité de mon accident. Mais peu à peu, des symptômes déplorables se manifestèrent. Le premier jour, je perdis le sommeil. Le second jour, je perdis l'appétit. Le troisième jour, je perdis 200 louis au whist pour avoir songé à la dame inconnue pendant que mon partenaire m'adressait une invite au roi. À cette période de mon mal, Guérac fut de réchef interrompu. On apportait le café et les liqueurs. Le taciturne étranger replia son journal, se prépara un gloria véhément, avala plusieurs verres de rhum, de kirsch et de chartreuse, le tout sans plus s'inquiéter de Raoul que si ce dernier se fût trouvé dans quelque province du Japon. « Il y met de l'entêtement, » grommela Guérac. « Mais corbleu, à moins qu'il ne se bouche les oreilles, il m'entendra. » Et frappant un grand coup sur la table, il reprit. « À cette époque de mon mal, je crus urgent d'y appliquer un palliatif. Je fouillai Paris, je dépistai la dame. En 24 heures, je réunis sur son compte les renseignements qui suivent. Nom et prénom, Madame Aurélie de Logel. Profession, jeune veuve. Domicile, rue Saint-Honoré. Signe particulier, très vertueuse, bien que très coquette. Bon, m'écriai-je par moi, lui être présenté, tomber à ses genoux, implorer sa main, l'obtenir, c'est l'affaire d'une quinzaine. Juste le temps de faire venir mes papiers. Ce plan, vous en conviendrez, était d'une limpidité extrême. Malheureusement. Garçon, l'addition, cria M. Gibson. Et la mienne aussi, garçon, fit Guérac, et il poursuivit. Malheureusement, Madame de Logel fréquente peu le monde et par une fatalité inouïe, il ne se trouve à personne parmi mes innombrables relations qui fût à même de m'introduire chez elle. Accablé de désespoir, je courus. Ici, M. Gibson, qui avait soldé sa carte et jeté au garçon un royal pourboire, se leva, non sans majesté. « Ah, permettez !» s'écria Raoul. L'homme au flamboyant gilet le regarda avec des yeux qui lui sortaient quelque peu de la tête. « Permettez !» répéta Raoul, que le dépit commençait à envahir. « Mon histoire n'est pas terminée, et je ne vous ai point encore défini le service que j'ose attendre de votre obligeance. » Pour unique réponse, M. Gibson coiffa son chapeau, endossa son pardessus, s'empara de son parapluie et s'en alla. Guérac, un instant déconcerté, s'achemina derrière lui.